Boisson et mauvaise décision. La batte 50. Mo pis son draft. CJ Procise. Vraiment. Keep 2 QB. Pourquoi? Bilodeau pis Camara. What? Laurent et Burkhead ou tête de sushi. À peine capable de nommer son nom. Pourtant, la saison est bel et bien commencée. TNT League Podcast 2017. Alors, re-bienvenue tout le monde à ce deuxième épisode officiel du podcast TNT League 2017. On est en compagnie de Mathieu Robert. Hey! Et Mo! Youhou! Alors, ce podcast, toujours en direct de Huntsic Quartierville, se cherche un commanditaire officiel afin de financer tous les éléments qui nous manquent. Genre plein de choses. belles affaires. Donc, si vous connaissez des commanditaires, on vous invite à partager. Alors, je vais recommencer. Ayant eu le draft il y a quelques jours et ayant pris le temps de dessouler, on va évidemment revenir sur le draft. On a compris à travers les nombreux textes que les gens se souvenaient soit à peine de leurs équipes ou avaient fait des très mauvais choix. Jean Ninge. Et moi. Et donc, pour commencer, ça, on va revenir un peu. Pour commencer, on va présenter Mo, notre invité de la semaine. Alors, Mo, bienvenue au podcast. Merci, c'est un honneur. Je suis extrêmement satisfait d'être ici et je suis prêt à discuter football avec vous, messieurs. On est content que ça, mon Mo. On t'aime bien. Oui, je me suis pas fait assez dégraisser, mais on va essayer de... On va dire ça. Vu que t'es en direct, ça peut être pire. On sait jamais. Fait qu'on va y aller avec un questionnaire rapidement pour que les gens de la Ligue te connaissent, même si t'es déjà connu. Alors, McNugget ou Cheese Double? McNugget. Molson Dry ou Labatt 50? Facile pour commencer, Labatt 50. Évidemment. Saint ou Fess? Saint. Scotto ou Judith? C'en est des bonnes. Scotto. Saint ou Fess? J'ai même pas entendu. Saint, je sais. Okay, ouais, non, c'est, je suis plus Saint, moi. Football ou hockey? Au football. Soccer ou football? Ouf! À regarder. Non, football. Il y a plus d'intérêt dans le football, ouais. Puis la meilleure ville de sport, selon toi? La meilleure ville de sport... Je ne peux pas passer à côté de mon expérience à Cleveland. Cleveland! Ça a été ta première, ça. Ça a été ma première. Puis Cleveland, l'année passée à Philadelphie... Tu sais, moi, je voulais toutes les faire, là, mais non, Cleveland. C'est un choix de cœur. T'as vu qui? Cleveland. J'ai vu... Cleveland? Cleveland contre, contre Big Ben. Les Steelers, je les ai vus trois fois. Cette année, ça va être la troisième fois. C'est bon. Parce que là, cette année, vous allez à Pittsburgh. Cette année, on va à Pittsburgh dans deux semaines. On va voir les Vikings. C'est pas une rivalité. T'sais, Pittsburgh à Cleveland, c'était une sacrée rivalité. C'est super nice. Non, ça reste mon choix de cœur. Moi, je crois à ta prédiction du dernier podcast. Je pense qu'ils vont bien faire. Gagner la division. Je vais mettre ça à moitié. Ils vont bien faire cette année. Mais merci de m'encourager. Alors, on va y aller. Des commentaires généraux du draft. Une question que je me pose. Wilson au cinquième round. Pas ta meilleure décision, surtout que les QB, normalement, les QB, à part le top 3, vont sortir vraiment tard. Attends un peu, j'ai pas fini. Non. Wilson, il a fini 16e QB l'année passée, peu près à 100 points de Drew Brees. Drew Brees a été repêché à 2 positions de Wilson. Écoute, je sais pas ce que t'as pensé là, mais c'est pas trop tard pour changer, là. En plus, c'était une étape du draft où mon niveau d'alcool n'était pas trop avancé. Non, pour vrai, je suis satisfait. Au sens où j'ai voulu changer de stratégie. D'habitude, je vais chercher un late round QB du genre Big Ben que j'ai pris dans mon autre pool ou quoi que ce soit. Mais je pense que Russell, cette année, vont remonter la pente. Il y a des nouveaux atouts. Il y a ton pote Doug Baldwin. Un gros duo. C'est tôt, mais je pense que ça va servir une bonne décision. Il faut dire que JP, deux picks avant, m'a volé Breeze. Puis ça, c'est un bon choix. Là. JP, chapeau. Ouais, Breeze. S'il prenait pas là, c'était moi, c'était toi, possiblement, Mine aussi. Non, moi, je prends jamais le QB. Je prends jamais le QB trop tôt. Je trouve ça. Ouais, c'est ça. Puis l'année passée, ça m'a servi de leçon. Là. Mais je trouve que ça te prive d'un gars qui pourrait break out. Un choix de 5e, 6e, 7e, 8e tour, c'est souvent des bons gars. L'année passée, Blunt est sorti 8e. Il y a eu des gros gars. Là. Si je regarde rapidement. Ajayi, 8e tour. Parker, 9e. Powell, 9e. Crowell, 9e. Diggs, 9e. Shepard. Tu sais, t'as des gros gars, là. Spencer Ware, au 10e. Ça te prive de gars de même. Ouais, mais tu sais, moi, c'est un gars que j'aime bien. Puis qui. Il était blessé l'an dernier. Là, pas tant. Il était un peu blessé, Russell. Notre pote Russell était un peu blessé. 16,8 points fantasy par match. Tu sais, Breeze est à 20,8. C'est un 4 points. C'est quand même beaucoup, c'est sûr. Mais moi, je pense que... Mais juste te rappeler, tu l'as échangé contre à peu près rien à l'année passée, ouais. Donc, c'est comme là, si tu disais que ton choix de 5e round, tu l'envoyais chier puis tu c'est, rien. C'est un bon point, mais tout le monde a droit à une deuxième chance. Moi, je pense que Russell Wilson, là, c'est top 10 minimum. Minimum. Fait que moi, en voyant ça, ça me va. C'est tôt 5e, mais je veux dire. Puis, qu'est-ce que t'en penses de Newton? Parce que celui après Wilson, c'est Newton. Moi, je suis allé dans la déduction en me disant le prochain qui voulait un QB, c'était qui? C'était Laurent. Et il aurait dû prendre Locke. Honnêtement, moi, j'ai eu Locke là, au 9e. Je sais pas qu'est-ce que le monde faisait. Là. Ben là, Locke, c'est parce que il y a le fait qu'il est blessé. Là, une game. Je comprends. Ils ont confirmé aujourd'hui qu'il ne startait pas, qu'il n'a pas commencé à repratiquer. Jacoby Brissett, man! C'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe. Bon, si on passe aux choix qu'on fait trop tôt, là, les défensives, mettons, Will, avec la Seahawks D. L'année passée, les Seahawks ont fini 9e meilleure défensive en points. Je sais pas trop. Mais oui, il était vendu, là. Il y a eu une pause de genre la stabilité. Là, ben puis, oui, c'est de la merde, ça. C'est-à-dire, les Seahawks ont une bonne défensive, mais ça sert à rien de prendre une défensive non, trop c'est, tôt. C'est trop. Surtout que Seahawks affronte. Ils affrontent. Qui au premier tour première semaine, ils doivent affronter une bonne équipe de leur division, genre les Cards. En tout cas, on va vérifier ça pour les gens à la maison. Sinon, on peut nous appeler. Là, en direct! Hey, ils jouent les boys contre les Packers à Green Bay la première semaine. Bon, dimanche, c'est encore pire. Mais moi, c'est encore un point que Seahawks. Moi, je trouve que c'est tôt, mais il y a tout le temps dans les drafts, tout le temps un gars qui va trop tôt avec défense, kicker. Puis, je sais pas, c'est peut-être que t'es en manque d'idées, t'as le timer qui te traite, je sais pas où tu veux vraiment l'équipe. Non, mais c'est vrai, parce que tu veux pas. Mais Will, là, Seahawks, Will il a eu sa chance là, avec Evans, Fournette, là, de là l'erreur à GF, puis on y reviendra. Mais tu sais, Kelsey, Benjamin, ça allait bien. Puis là, Garçon, puis Procise. Procise, ça devient comme une échelle. Là. Sur une échelle de 1 à Procise, c'est à quel point tu viens vite. Là. C'est comme. Procise, là, c'est vite en Christ. Là. C'était trop. Non, je sais pas. Mais pour. Comme on parle que des Seahawks, mais c'est intéressant. Mais tu sais, toi, justement, t'as pris Lacy. Lacy, Procise, c'est des gars qu'on sait même. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Thomas Rawls, c'est des gars. J'ai pris Lacy après Procise, à ma défense. Oui, ouais, mais je veux dire, tu sais, les deux, c'est un. Non, je comprends. Moi, j'achète du temps, je suis content de ça. Je trouve. Là, je suis moins risqué, mettons, que l'année passée avec Le'Veon, que je perds 4 matchs, que c'est ton gros stud. Là, c'est mon Doug Martin, mon gros tas de caca, qui va attendre 4 matchs, là. Tu sais, je trouve que je risque moins. Ça, ouais, c'est ton RB2, là. Mais le restant du draft a tout été fait en fonction que j'ai perdu mon tour avec Martin. Tu sais, à un moment donné, quand tu prends la décision de prendre Martin, il faut que tu assumes le reste. Là. Après Lacy, t'as pris de la crap, là. Decker, Cobb. Decker, il est 1. Avec ton Mariota. Toi, t'as Keith Mariota d'une autre ligue. On va le dire à cette ligue-là aussi. T'as Keith Mariota d'une autre ligue. Oui, mais non, Decker, il est pas tout seul là-bas, là. Il y a Delaney, il y a Matthews, il y a une couple de bons gars, là. Il est pas tout seul, ton Decker, puis c'est juste un. C'est un red zone target, mais à part ça, il fait pas grand-chose, là, ton pote. Mais moi, je voulais être Thielen, mais. Mais Matthews venait de le prendre. Ben non. Je l'ai pris après toi. Ça vient pas de ce bord-là. Non, les pairs, c'est vers la droite. Ah, tu sais pourquoi? Parce que Thielen il est l'autre bord de la page, il c'est le premier en haut. Juste à dire, Thielen pour Ninja, que j'expliquais au draft, mais il est sûrement trop chaud pour s'en rappeler. Thielen il a pris le spot de Diggs, pas dans la hiérarchie de rien. Non, il ça. A pris le spot de slot receiver, puis Diggs n'est plus slot. Il a toujours été slot, toujours été bon slot, et là il est comme rendu wide, il a jamais été wide. Puis, on sait que Bradford, il n'a pas le bras le plus précis, le plus puissant. C'est pas mal Thielen qui va être target. D'ailleurs, je ne sais pas les stats, là, mais il me semble qu'à la fin de la saison passée, Thielen était target à peu près 12 fois par game. Ça se peut. Puis, il avait à peu près 8 ou 9 réceptions. C'était quand même quelque chose de pas pire. si on compare Tillum, là, qui a été choisi par moi au 7e, puis Diggs par Ninj au 4e, je suis sûr que le rapport qualité-prix va être vraiment meilleur. Mais Diggs, ben, quelqu'un l'aurait pris de toute façon. Diggs est à 8.4 points fantasy par match l'an dernier. Tillum est à 7.9. Tu sais, on tombe, c'est quoi, 5 touchés. Le niveau target, c'est ce que tu disais, là, combien de target. Ouais, les target, c'est dur à voir là, sur le site, mais mettons, sur les attrapés, il y a eu une game Tillum qui avait 12 catch, 4, 8, 5. Puis ça, c'est quand Diggs jouait, là. T'as 12 pour 200 verges, 2 touchés. Bon, c'était contre Green Bay. Je sais pas, comme Green Bay, peut-être qu'il voulait plus jouer. Mais quand même, fait que, c'est à suivre, là, mais Bradford, en réalité, on sait jamais qu'est-ce qu'il va faire. Ouais. Mais Tillum, c'est un classique bon sleeper, là, de, t'sais, il paraît pas trop, là, les gens connaissent moyennement pour ceux qui ont suivi ça juste à la surface. Là. Non, Laurent, il sait pas c'est qui. Là. Non, Laurent. Ouais, Laurent, il y a bien des gars qui savaient pas c'était qui, le pauvre. Laurent, il manquait pas juste des sushis à son draft, il manquait une coupe de cellules. Là. Cigare que c'était pas chic, Laurent. Laurent, on va revenir sur toi plus tard. Là, on a une ligne pour toi, ouais, dans les mauvaises décisions du draft. Mais bon, quand même, de Laurent, pour juste une parenthèse, no running back strategy. Là, le gars, il a 8 running backs. Et c'est le gars qui en a le plus. Le deuxième, c'est Gab et Ninj à 6. Ben, GF puis Félix aussi. Félix et Jean. Mais 8. 8 running backs, c'est pas tous des bons. Là. Si on les nomme rapidement, là, t'as ben Miller, Mixon, OK. Woodhead, Gio Bernard, James White, Burkhead. Il y a comme deux gars des Pats. C'est deux running backs des Pats, toujours bien. Howard, Keeper, quand même pas pire. Là, ça, c'était son gars. Puis Smallwood, que j'y ai pris parce qu'il savait plus qui prendre. Il était déjà à table de Blackjack. Non, mais faut dire. À partir de James White, là, le rail avait abandonné. Là. Tout ce qu'il regardait, c'était le Blackjack avec du cash. Burkhead, je me souviens, il a dit genre, on va prendre Burke Shows. T'as fait Burkhead? Ouais, c'est ça. Puis là, on a choisi Burkhead. Tu sais, lui, t'sais, on dit Howard va le sauver, mais. Ah ouais, c'est pas sûr, mais ce qui est intéressant post-draft, comme tu viens de nommer, c'est ça, moi, je trouve, c'est, tu définis combien le nombre, tu sais, Lord, là, trois running backs, ça n'est pas beaucoup. Mais moi, je suis convaincu. Dont un qui est suspendu trois mais games. Mais ça va, mais, tu sais, Doug Martin, moi, je pro ton choix, je veux dire, c'est okay. Bien, c'est simple, tu vas l'avoir, il va être payant, selon moi. Mais quand même, tu sais, Laurent, là, comme on dit, Laurent, l'inverse, 8-3, veut pas, il faut un équilibre, selon moi. Ben oui. Moi, j'ai un vieux de la vieille, ça fait plusieurs fantasy, toi aussi. Moi, il faut que j'y aille 50-50. Tu sais, toi, t'as deux QB parce que t'en as un blessé, 5-5, 1-1-1. Moi, j'étais à 6 wide, 5 running back. Tu sais, j'ai l'impression que ça va peut-être ça va rien changer. Là. Souvent, c'est de la chance, mais, ouais, mais Lord, si tu t'en trouves pas un, t'as deux QB, t'as une bonne monnaie d'échange. Mais les mêmes choses pour Laurent. Laurent, il y a Crabtree, il y a Julio. J'oublie son autre, là, il y a juste 3 wide à ma nez, tu sais, il va peut-être y marquer un petit peu. Comme tu dis, là, petite foulure, je fais droite, là, wide 3. C'est ça. C'est qui son troisième? Ah, oh, c'est Wallace. Mais tu sais, comme on disait tantôt avant le podcast, bon, quand moi est arrivé, c'est que tout le monde a une bonne équipe, bon, sur papier, là, après un draft. Mais il y en a qui sont pas à l'abri d'une foulure ou d'une lendemain de veille un peu rough que le joueur jouera pas parce qu'il se sent pas bien puis il est healthy scratch ou n'importe quoi. Ouais, moi faut juste j'espère que ce soit juste des wide qui soient ben ouais, mais on sait que c'est des running back qui se blessent plus souvent qu'autrement. Ouais. Mais ça va bouger. À main ton équipe là, on le sait, à la fin de la saison a plus rapport. Fait que première semaine là, ça va tout être wavé, ça va retomber, ça va rebrasser de la merde puis ouais, mais pas selon moi, j'allais rechercher quelque chose qui vaut à ce que j'aurais pris 8 ou 9 là. Mais moi j'ai une question pour toi parce que je suis tout le temps curieux, tu sais, je l'aurais demandé à leur c'était ça ta stratégie initiale? Non, là, lui, il venait juste pour le blackjack puis ses sushis. Toi, est-ce que c'était ça ta stratégie initiale? Pour vrai, est-ce que t'es arrivé, t'as franchi la porte chez Jordan, tu t'es dit 3 RB. J'y vais, pas trop d'RB, j'ai mes deux, tu sais, t'as deux QB, donc t'as même pas de souci de prendre des QB. Moi, dans ma tête, j'aurais pensé que tu fais let's go, je m'enfile des running back puis des wide. Non, mais je me suis enfilé beaucoup de white. Oui, c'est ça. C'est ça le défaut. C'était une stratégie initiale? Non, c'était pas une stratégie. Je pense. Puis là, j'en avais parlé avec Mathieu aussi avant, là, dans les coulisses. Là, tu sais, moi, j'avais un gros... je voulais beaucoup Gronk. Je me suis dit, si Gronk se rendait à moi, puis j'étais sûr qu'il allait pas se rendre, hein, il s'est rendu. Fait que je me suis dit, respecte ta stratégie. Fait que j'allais le chercher. Puis là, après, ben là, c'était là. Là, je voyais Landry qui était là. Puis là, Martin, c'était mon running back blessé. Puis, ben c'est ça. J'avoue qu'après, tu sais, j'ai un peu manqué à l'appel. Là. Mais tu sais, ça pleuvait. Moi, Duke Johnson, hostie, ça m'inspire à rien. Ouais, j'aime mieux avoir Hogan. J'aime mieux avoir des gars que peut-être vont me faire des points. Puis, je vais les mettre comme flex ou ils vont être une monnaie d'échange un jour. Mais il y a, je sais pas, Darren Sproul, je m'en crisse. Joe Bernard, tu sais, c'est tout du monde. Puis ça m'intéresse. Puis là, James White, mettons, ok, mais Christy, j'ai déjà trois gars des pattes, ouais, ça va rien. Sûr. En tout cas, je vois, il y en a sûrement là-dedans que j'ai manqué, puis j'aurais pas aller chercher plus loin, mais là, écoute, il y a personne qui. Ben, si tu regardes, t'as un peu raison, parce que, mettons, GF, lui, il a pas pris de running back un peu comme toi. Ben, il y en a, en fait. Il y en a quatre. Mais il y en avait pas au début, puis là, il y a comme, à place de faire comme toi, puis de prendre que de la merde en wide receiver, il est allé prendre que de la merde en running back. Ben, si on regarde, c'est running back qui a été cherché, Blunt, qui, oui, est premier à Philly, mais Bust of the Year, selon moi, il va être à chier. Thomas Rawls, qui est avec votre trio de gros babouins à Seahawks. Forte, bon, on sait pas trop quand il va craquer de partout. Puis quand t'es dans l'offense des Jets, là, jamais rien de bon qui peut se passer. Puis t'es allé chercher Perriney, qui peut être un bon call, mais t'sais, tant que Kelly va être là, puis que le coach va lui faire confiance, tu sais pas. Puis Darren Sproles, le deuxième running back après Blunt, je suis comme pas trop mais sûr. Sproles, c'est le gars le plus dur à starter ever, tu sais jamais. Non. La fameuse game qui a offert 23 points, là, il est tout le temps sur ton banc. T'es tout le temps fourré à starter ce gars-là. C'est ça. Tu peux pas vraiment starter. Tu ne l'as jamais. Fait que lui, il a été chercher 5 running backs de suite pour pas grand-chose. Mais tu sais, GF, c'est un autre que sa stratégie, on l'a pas trop compris là, pendant le draft. Là. Je pense que même lui, il l'a pas compris. Mais non, c'est ça, lui, il l'a pas compris, mais en partant, son premier move, là, entre le 1 et le 2, là, qui était 11e, ouais, ça l'a peut-être... Parce que sinon, les autres, tu sais, c'est des classiques. Là. JP, Jordan, Will... un draft régulier, là, 4 running backs, 7 wide. Pis... Mais juste parenthèse avec JP, moi, quand Lord a drafté Gostkowski, JP il a comme un peu paniqué. Là. Il a dit là, faut que je prenne un kicker. Donc là, il se retourne vers moi puis il dit je prends-tu un kicker? J'ai dit ben, ça dépend. J'ai dit qu'est-ce que tu veux comme. Tu sais, qu'est-ce que tu vises comme objectif? Il dit ah, je veux un bon kicker. Je dis, ben, si tu veux le meilleur, prends Tucker. Dans ma tête, j'étais comme, tu prends jamais un kicker quand Ghost vient juste de sortir. Mais vu que j'y avais dit ça, il a fait, OK, c'est bon, prends Tucker. Fait que ça m'a laissé le bon vieux Kevin White, que je sais même pas si JP sait c'est qui de toute façon, il l'aurait sûrement pas pris. Mais ça me l'a laissé, puis je vais l'échanger à Will bientôt, là, sûrement contre un genre de Kelvin Benjamin ou Leonard Fournette. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un futur Hall of Fame, Kevin White. Ouais, JP a paniqué un peu avec son Broncos. Il a pris Broncos D, moi j'ai pris Texan D. Ouais. Après j'ai pris Ghost, il a pris Tucker. Ouais, c'est cave. Puis là, ma défense, moi j'ai pris rang 12 puis 13 à pas choisir. Là, je me ramassais 14-15. En tout cas, moi j'aurais pris. Mais t'aurais dû garder ton 14-15 pour Butter. Pour non, mais attends, c'est le temps. Là. 15 et Dolman, quand tout le monde était chaud pack, là, c'est solide. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était un move c'est de JP. C'est bon move. Shout out à Dave Boysen qui l'a repêché. Lui, trop tôt dans sa ligue, mais qui l'a repêché quand même. Un 9e, lui. Mon boy Dave. Mon beau boy Dave. On t'aime, Dave. Bon, mais pendant qu'on est là dans les choix, les décisions, on va passer aux bonnes et aux mauvaises décisions. Ben ouais, allons-y. On va commencer par les bonnes décisions. Ben, la première, c'est Mo puis le Blackjack. Combien t'as perdu, Mo? J'ai perdu 150, je pense. Facile, là. J'ai pas gagné de main, là. Le pot de tender, il m'aidait pas trop, là. Ah, il y avait George. Ah, là, George, il était pas tendre avec moi, là. You just made the table last, là. Lui, il était pas tendre dès le 4e tour du draft, là. Déjà, il engueulait le croupier, puis il se faisait chier avec Jordan. Mais le setup était nice, par contre. Oh, ouais. Jordan, gros setup, là, Jordan, pour moi. Le setup, puis... Non, c'est vraiment comparé à l'an dernier. L'an dernier, tout le monde sur les ordi manquait des gars. Et hey, là, te montes Comiche, bravo, là, t'as monté la qualité. Non, la prochaine, on fait le draft en République Dominicaine. Let's go. Là, on fait ça à New England avec la bannière des champions de Super Bowl 2018. Bon, ben, première bonne décision. Moi, sérieusement, Kareem Hunt. C'est-tu Kareem? Oui, ouais, Kareem Hunt. Avec Félix Jean, je pense que tout le monde voulait Kareem Hunt. Ouais. Par peut-être Laurent puis JP qui savait pas c'était qui. Ouais, Laurent. Mais sinon, toutes les autres, moi, honnêtement, je suis vraiment un gros fan du n'importe quel running back de Kansas City. C'est toujours gagnant. C'est Spencer Ware était pas fou, mais toujours constant quand même, ouais. Toujours des bons points à chaque semaine. Là, Kareem Hunt, il sort de l'université, il paraît qu'il est dominant. Puis là, il va jouer dans une grosse offense qu'ils font juste passer au running back. Et, je suis 100% d'accord. Puis justement, dans des autres pools, moi, les gars, ils reachaient 6e overall et tout. Il a eu quoi? Il a eu 14-15e, c'est super bon. Mais ce qui me surprend avec Phil, qui est justement un vieux de la vieille aussi, puis qui la joue stratégique, hey, il est allé chercher, OK, Delanie Walker après ses deux keepers. Jamal Charles, Jamal Williams, il est jamais allé chercher Chuck Kendrick West. Moi, j'ai eu le temps de prendre West en 11e. Ouais, ça, c'est bizarre. Ça m'apparaît être, tu sais, avant Jamal Williams, oui, on l'aime bien, Jamal Williams. Même Shane Vereen, tu sais, c'est des gars que faut que tu ailles chercher ton handcuff tout de suite. Moi, mais oui, Hunt, je suis 100% d'accord. Excellente décision, mais West, selon moi, là, dans pas long, là, il va cogner à ma porte de chambre ben, pour un échange. Moi, je suis pas fan de handcuff, là, mais bref. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des façons de voir le moi aussi, j'aurais pensé qu'il allait chercher le handcuff plus tard parce que pour se défendre, mais effectivement, là, puis là, tu sais, je regardais vite Kareem Hunt, tu sais, comme quoi à l'université, il courait 4.6 verges en moyenne. Puis il a attrapé 93%. Il a joué. Je peux pas te le dire. Je l'ai pas là. On va le trouver, mais bon, deuxième. Si on va avec les deuxièmes bonnes décisions, est-ce que tu veux faire la deuxième, Félix? Parce que c'est comme mon joueur. Pour me vanter, là. Hill. Jeremy Hill. Je te dis en passant, il est quand même encore. Non, mais Mixon, il est bien bon. Mais il a pas encore la job. Il n'y a pas la job. Pour que ça soit dans des bonnes décisions, oui, parce que tu l'as volé. C'était super loin. Ouais, mais regarde, moi, j'ai eu ta gym. Il a fait 147 points l'année passée. Ses 8 dernières games, il y a une moyenne de 12.6 puis 6 touchés. Ouais, t'inquiète pas, je l'avais, moi, puis tu sais à quel point ce gars-là... Tu l'haïssais au début. Tu sais pas ce qu'il fait, puis là, tu rajoutes un autre gars. Gio Bernard puis Hill, ils sharaient tout le temps. Ouais. C'était correct, chacun produisait à sa manière, c'était bon. Là, tu rajoutes un autre gars que, oui, comme toi, je suis pas vendu à Mixon. Tu sais, Hill, selon moi, mon opinion, c'est juste que, oui, tu l'as pris loin. Mais Jeremy Hill, tu vas le starter quoi, sur 16 semaines? Je sais pas. Mais l'année passée, tu l'as drafté au 4e tour. C'est quand même une grosse différence. Oui, mais en même temps, il a baissé aussi, moi, je pense. Parce que Gio Bernard, il est un peu éliminé, puis Mixon... va, tu sais, mais ça, on dirait qu'il reprend, là. Mais il a rien prouvé encore, le gars. Je sais qu'il a rien prouvé, mais Kareem Hunt non plus a rien prouvé. Ouais, mais c'est lui, juste on sait qu'il est tout seul. C'est la situation. Oui, c'est ça. Mais ça reste que c'est un risque, mais c'est un bon risque parce que c'est tard. Bon. Puis c'est vrai qu'il aurait dû sortir plus. Tu sais, comme, mettons, moi, au lieu de prendre Lacey. T'aurais pu prendre Hill. Mais moi, j'ai pensé prendre Hill au 8e tour, puis je l'ai laissé aller, puis quand il est revenu au 10e, je suis capoté qu'il est encore là. Moi, j'aurais peut-être dû prendre ça, sachant qu'il y a le plus de chances de. Ben, pas de jouer, mais tu sais, mon gros Lacey, le problème, c'est qu'ils sont trop, là. Ben, ils sont trop aussi, l'autre bord. C'est ça. Mais regarde, on sait jamais, mais moi, je pense que. Tu sais, Lacey pourrait avoir le starting job n'importe quand aussi, on sait jamais. Bref, troisième bonne décision, Zach Ertz. Moi, je suis un gros fan de Ertz. Là, je l'ai pas pris dans ce pool-là, je l'ai pris dans Big League parce que. C'était comme le temps que je prenne un tight end. Puis il restait pas mal juste lui. Mais moi, je pense à Zach Ertz, là, est quand même assez solide. Si on regarde, c'est 4 de ses 5 dernières games l'année passée. Il a fait 13 points, 11 points, 8 points, 25 points. Pour un tight end, là, tu t'attends à peu près à 4, 5, 6 points par game. Lui, il t'enclenche une moyenne d'à peu près 15. C'est vraiment solide. Ça, c'était à la fin. C'était à la fin. Parce qu'il y a eu des 1-1, 9-5, 9-3... Au début de la saison, là, tu fais rager de l'avoir. Ouais, mais il a été blessé, puis tu voulais pas l'année passée l'avoir avec Carson Wentz, qui était nouveau dans l'offense, puis tu sais, bon, il plaçait un peu ses pions. Là, cette année, Wentz, ça va être son go-to guy, c'est ses mains sûres. Moi, je suis bien confiant avec Zach Ertz. Qui est premier receveur à Philly? C'est Jordan... Non, il est parti, lui. C'est, c'est le gars de Colin. Un peu de la merde. Ben ouais, on sait pas et trop. Au moins, il va regarder ça, mais moi, c'est... Tyden, il a fini 10e l'an dernier en fantasy point per game, 7.5, Zach Ertz. Je suis fan de Zach Ertz. Je trouve que Marc, il a fait un draft très classique, solide, mais en même temps, est-ce que la différence entre Zach Ertz puis un espèce de... celui de... je pense que c'est Nims qui l'a pris, Austin Hooper? Ouais. Tu sais, est-ce que la différence va vraiment être grande entre ces deux types de gars comme ça? Je n'aimerais pas Eric Ebron, parce que ce gars-là, surtout, c'est Weaver c'est la semaine prochaine. C'est Alshon Jeffrey, on est bin un peu, là. C'est Alshon Jeffrey le premier wide. Ouais, c'est vrai. Mais il va se blesser après 4 jours, là. Mais non, mais t'as raison, mais Zacher, tu sais, c'est un safe guy, là. Je veux dire, 4 TD l'an dernier, ça peut qu'augmenter, là. Ça peut pas descendre. Le gars, il a fait 800 verges. Il va approcher du 5-6 et 10 000 verges, là, mais... Pour un tight end. Pour un tight end, mais tu sais, Cam Rudolph va faire ça. Jimmy Graham à Seattle, j'ai foi en lui qu'il va faire puis ça aussi. Tyler Eifert va avoir une bonne saison s'il ouais, reste en si santé. Il reste en santé. Je l'ai pris dans l'autre. C'est un gars que, tu sais, toi, ronde 8, là. Tyler Eifert, après ça, Locke, Hill, Kevin White, tu sais, c'est... Non, c'est ça. Ça, c'était... Dégusté. Hey, Locke, là, encore, moi, je suis surpris que... Ben, moi, round 9, honnêtement, vous allez pleurer dans 3 semaines. Ouais, moi, c'est pas ça, avoir eu Cousin puis Ryan... Ah oui, tu serais allé, ouais. Ben là, je l'aurais pigé avant. Mais là. Ouais, moi, on dirait que je sais pas pourquoi. Dans mon autre. Puis là, le pire, c'est que moi, j'ai TY. J'aurais pu créer un gros duo. Là. Ça, c'est. Ah, moi, j'ai Moncrief. Ah, les duos, ouais. Moi. Non, j'ai eu Jordy et Aaron l'année. Puis c'est drôle, 3 semaines. T'as mais... eu Breeze Graham aussi, non? Dans Big League. Dans Big League, j'ai eu Breeze Graham, mais ça m'a chié les mains. Ouais. En tout cas. Bon, on va passer à la section dégraissage. Là, c'est la section mauvaise décision. On en a plus que des bonnes, étant le niveau d'alcool. Puis les gens vont se reconnaître rapidement. Fait que, commence par CJ Procise. Ben là, CJ Procise, sans aucun doute, une des pires décisions du draft. Et puis, il a été pris quoi au sixième tour? Ah, alors, précoce, alors il restait Lacey puis Rawls qui ont sorti vraiment plus loin. Puis je sais pas trop là, Will il l'a pris mais Lacey moi je l'ai pris fin du 7e, ouais, fin du 6e. Mais Will c'est qu'il a pris en plus garçon suivi de Procise. C'est pas son meilleur bet là ici là. Non. C'était vraiment son back-to-back là. Écoute, il fait bien ce qu'il veut là, mais rendu là il avait encore une couple de gars de popé, genre Moncrief, T-Lim, Winston, Woodhead, Rawls. C'est comme si l'émotion avait pris le dessus sur Will. Sur, Ouais, mais il a été le chercher loin. Ouais. Will avait l'air stressé quand il draftait. Il avait l'air comme le clock le lui nuisait plus que d'autres choses. Puis ça l'a forcé à prendre des décisions de mal comme ça. Mais regarde, on sait jamais. L'année passée, il gagnait une finale 70 à 59. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais jamais ce qui arrive. Tu gagnes pas ton pool au draft, non. Mais ça aide mais quand même pas pire. Process, moi, je trouve que c'est le meilleur des trois. Le gars qui a le plus d'upside dans les trois. Dans un, mais moi, je l'ai pris, moi, Process. Je sais pas, Lacey. Wow. Dans un PPR, Process serait de loin le plus avantageux, mais... Ça se peut-tu que Process soit le plus jeune? Ben oui, c'est ça, c'est lui le... Ouais, c'est ça, c'est lui le plus rookie. C'est moi, je sais rookie. Pas. C'est tôt. C'est tôt, mais Will... Prouve-nous wrong avec ça. Mais en fait, là, puis là, on va passer au deuxième mauvaise décision, qui est GF avec Jordy. Ben c'est surtout qu'il a pris un wide alors que Will lui s'alignait pour running back wide. Si GF prenait Fournette, Will prenait genre Lamar Miller ou Marshawn Lynch suivi d'un genre Evans ou Nelson. Pis ça l'aurait laissé à GF un Nelson plus Fournette ou un Fournette plus Evans. Ça, qui est bien mieux que Nelson Cooper puis après ça pas de running back là. Après ça au lieu de prendre Miller il prend Cooper. Ou il irait prendre Hunt, ou tu sais, il y a Hunt. Ouais, Miller, il aurait pu prendre Lynch, Hunt Miller, mais Jeff savait pas c'était qui. Hunt, je suis sûr que ça savait pas c'était qui. Mais le grand gagnant dans tout ça, c'est Philippe, justement, c'est Félix. Ah, ouais, il commence avec Hunt, il devait être abasourdi. Mais, ouais. Mais Jeff, c'est pas. T'sais, Jeff, il a l'air aussi prêt qu'au Tech-Fee, là. Quand, il l'a coulé trois fois, là. Mais c'est plate, là, parce qu'il aurait pu bien starter ça, puis après, en tout cas, là, c'est dommage. Puis en plus, là, il y a... Mais il n'avait pas l'air au courant. Personne n'y avait... Ça se peut-tu? Oui, il avait pas non, pensé non, à ça. Je lui avais dit 40 fois depuis ouais. Une semaine. Running back, tu laisses Will redrafter, wide. Il est arrivé au draft. Infligé. Ah si, il a fait la mauvaise affaire. Mais là, il y avait l'affaire des feuilles, là. Le monde, Will dit qu'il n'y avait pas une bonne feuille. GF, il dit, hey, il est pas là. Lui, et moi, ouais. les death charts, ils marchent pas. Là, le monde est un peu organisé comme la façon, là. Ben, c'était la première année qu'on faisait sur papier, hein, puis sur les papier. Gars étaient pas prêts. Mais c'est là que tu vois, c'est ça le monde. Tu sais, moi, le monde, vous riez bien de moi avec mes petits les revues. Gars, ça rayait les noms, bien, là. Ça cherchait les noms. Est-ce qu'il est où, lui? Moi, j'ai plus aimé ça par papier ou par ordi? Ah, moi, j'adore. J'suis un classique, là. C'est moi, c'est papier. Et quand je parlais à Jordan, par contre, on est sorti à Mané, lui, il trouvait ça trop long. Ouais. Il disait que c'était long. C'est sûr que. Moi, j'aime pas l'option que c'est trop facile, là. Tu sais, ton gars, il est pris automatiquement. Ça enlève quand tu stresses. Ouais. Tu sais, nous, c'est sûr qu'on est bidon, là. Un shooter, puis tu passes à l'autre, là. C'est un peu les conséquences du monde, mais non, mais juste vous... Moi, j'aime ça. J'aurais aimé ça avoir le tableau. C'est ça qu'on parlait avec Mathieu, mettons, l'année prochaine, ça va le tableau classique, t'écris ton nom, tu vas le coller à la position. Ah, ok, non, okay physiquement. Là, physiquement, ouais. Mais moi, j'aime le fait de barrer, puis je trouve que c'est un plus gros challenge intellectuel. Tu vois, il y a pire que ça, là, c'est pas... Ben, pour Will, ça va être tough. Ouais, mais... Il est en Sciences Po, quand même. prochaine mauvaise décision, ben, le bon vieux Will, on va revenir dessus avec sa fameuse défensive Seahawks D. Et sa fameuse citation, le fuckfest est parti, en espérant lancer un trend que tout le monde sort des defs au 10e round, que comme personne n'a embarqué là-dedans. Finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Le fuckfest a commencé plus au round 13 là, avec les défensives. Mais c'est juste trop tôt. Ouais, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire que c'est trop tôt. Mais moi, je comprends pas d'un gars qui se dit si expérimenté puis si expert de prendre une défensive au 10e tour. Ça se fait pas. Mais je pense qu'il a fait comme il a paniqué comme moi. Il était stressé à cause de ses keys. Ouais. À cause de ses keys. Mais lui, il aurait pu revenir. Juste... Là, il y avait Mitchell Montgomery, mais je pense que c'est ses keys qui l'ont fait stresser un peu comme moi, mais j'avoue qu'il aurait pu revenir. Ouais, non, c'est ça. Mais tu te ramasses, c'est sûr que tu te ramasses avec la 10e défense. Là. Mais lui, il se ramasse à la fin. Bon, toi, t'as pogné Panthers D au 14e, il affronte une équipe de boîte au premier match. Moi, j'ai pogné Bengals D qui affronte genre une autre équipe de boîte au premier match. Tu vas la changer. Je sais, mais il y a des gars qui aiment pas ça. Tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime pas avec Seahawks D, c'est que t'es pogné pour la starter. Tout le temps. Tu fais quoi, là, mettons, ça start pas. GF, il a pogné la D des Chiefs, là. Il fait quoi contre les Pats? Ouais, ça, c'était pas brillant non plus. Il va dropper un joueur, il va dropper la Chief D qui a drafté, genre, trop tôt puis qui a perdu un choix. Il va dropper un running back que moi, je vais aller chercher. Quatrième running back. Mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, mais il y a des gars qui sont comme ça, tu sais, dans nos autres pools, là, le bon vieux Dave, là, qui prend un kicker, puis tu sais, il y en a qu'il faut peut-être ton alignement partant, puis tu le bouges pas tout le temps. Mais selon moi, tu veux aller reach, puis prendre la première défense. Ça dépend des stratégies. T'sais, nous, on s'en fout. Là. Moi, Matt Prater, là, s'il est pas dans mon club week 2, je m'en fous. Là. C'est je veux dire. Ouais, moi, Janikowski, je vais dire qu'il sera plus là sur le 4. Moi, le batteur, je trouve juste que, en tout cas, pour Gostkowski, avec une équipe qui fait tellement de points, je trouve juste que tu vas chercher la grenaille au bout du compte, puis entre ça ou prendre Paul Richardson. Tu sais, comme moi, il n'y avait quasiment plus rien. Là. Puis, en tout cas, je trouvais que Ghost, il va faire des points. Lui, là, il a fait... Tout le temps la différence. Moi, je reviens tout le temps à ça. Peu importe. Est-ce que la différence entre Ghost et le 7e vaut la peine d'un niveau de round? Tu comprends? Moi, c'est comme ça que j'aime l'analyser, surtout pour les running backs, les wide. Est-ce que la différence entre Gronk ou le 8e tight end va être grosse cette année? C'est toi, tu penses que oui, moi je pense que non. Ça dépend comme ça. Est-ce que Ghost va vraiment te faire gagner des matchs? Honnêtement, probablement. Probablement que tu vas gagner 2-3 matchs ou un match. Ben, tu sais, à cause, là, tu sais. Il y a plein d'autres situations. Tu comprends? Mais sans des keepers, round 12 puis 13, là, tout est rechangé. Ouais. Tout est. Tu sais, c'est sûr que là, ça vient. En tout cas, moi, j'étais pas prêt à sacrifier les. T'sais, je m'en calisse là, de Paul Richardson puis des restants de loot puis vous avez il y a de la merde après là, c'est que de la scrap là. Robert Woods là, moi je le voulais, c'est le seul peut-être que je regrette de ne pas avoir vu là. Si Phil ne prenait pas, moi je partais avec Woods, fait que ça va avec Paul Richardson de cul là, mais il est un à Jets lui là. Paul Richardson il est à Seattle ouais, non il y a pas. Non, je te ouais. Ah ouais, ok. Il y a Graham, Baldwin. Tu voulais drafter Curse. La mine. Il voulait Curse. Non, je voulais pas Curse. Non. Non, il y a un bon recrue à Robbie, Jets. Robbie Anderson. C'est Robbie Anderson. Mais ben lui, c'est qui l'a pris, Robbie? C'est lui, je voulais, tabarnak. Hein? Oui. Je vais chercher live. C'est Jets. Je comprends. C'est Jets. Ouais, mais le premier wide. Non, mais il est tight end. Ah non, ça c'est Rory. Check Anderson. A-N-D-R-S-O-N. Ouais. Bon, on va aligner avec. On va enchaîner avec le l'autre mauvais coup. Mo, Joe Williams. Oh, là, je regardais sur ma feuille. Il est pas dans mon club finalement. Non, une chance. Non, mais. Thank you, Mark. Mark, on sait plus. Ouais, Mark, j'ai hésité ça dans le draft. Mais un bon gars, Mark. un gars classique dans ses choix, puis crime, il a été. Moi, j'ai ri de lui, le Matt Breda, là. Il me trouvait bien malin avec mon Joe Williams après, là. On sait pas si. Mais vous avez été smart avec moi, mais tu sais, tu peux pas drafter un gars blessé, là. Je veux dire, c'est gentil de le dire. Ouais, mais personne ne le savait, genre. Mais toi aussi, tu l'aimais, Joe Williams. Tu te rappelles? Il me semble que je t'ai demandé, lui, ouais. Qu'est-ce que t'en penses. Ouais, moi, je l'aimais bien, Joe Williams. Mais j'assume la mauvaise décision. Je suis même fier de faire partie de la catégorie. Bon, okay. Alors, on va en aligner une deuxième mauvaise décision. Ebron? Eric Ebron. Et je te cite, Eric Ebron, quelle décision d'étron? Ben, en fait, tu dis Eric Ebron, quelle décision d'étron? C'était dans la foulée de Joe Williams, c'était excellent, c'était un beau moment de... Alors, t'as pris un bon 10 minutes pour drafter deux gars. Ouais, je suis désolé, mais pour être, tu sais, j'ai pris Matt Prater mon tight end en partant. Tu sais, j'étais mal pris, mais non, Eric Ebron, c'est à chier, là. Je veux dire, c'est quoi l'idée, c'est... là? Oh, ouais, non. Mais je suis quand même un gars, j'ai le goût d'y donner une chance week 1. Et d'aller chercher quelqu'un d'autre. Mais check les bases s'il fait pas 18 points week 1. Puis que là, je sais pas quoi faire avec ça, mais on va le laisser de même. Là, mais c'est pas bon, Eric Ebron. Non, non, c'était un peu. Tu sais, Ninja, là, qui était au même niveau d'alcool que moi, là, ish, Hooper, c'est meilleur. Là, je veux dire. Ouais, mais Ninja, il a pris que du handcuff. Mais j'ai déjà eu Ebron, petite parenthèse, puis il m'avait très bien servi. Je pense, il y a 2 ans, avant qu'il se blesse. Pas Ninja. Ebron, ça fait 3 ans qu'on dit qu'il va être bon. Vrai. Ouais. C'est vrai. Puis ça fait 3 ans qu'il est vraiment. Il joue contre Arizona, qui sont premiers contre les Titans. Ouais. Laissez-moi 2-3 minutes pour faire un move. Ouais, c'est ça. Et finalement, on va finir avec, je pense que c'est le roi de la soirée. Là, Laurent qui a fini avec un plus de cash qu'elle est arrivée. Laurent qui a voulu, tout quoi, il a pris un brun pour. Mettre toutes ses vins. Tu sais, le gars, son portefeuille ferme plus parce qu'il y a trop d'argent liquide. Ouais. Puis, qui a pris des shooters. On a ri avec Crawl, là, qui voulait faire la profondeur, puis qui était tellement sérieux. Là. Ah, faire la profondeur avec mon Crawl. Puis là, tout le monde s'est mis à crier. Au 7e tour. Ouais, au 7e tour, il me regarde, là, eye contact. Tu sais, Crawl, un peu de profondeur. Ben oui. T'as JP en face qui le regarde. La bine! C'est moi qui le keep. Fait que, la bonne cash. Puis, Laurent aussi, Meredith. Qui est out for the season. Mais Laurent était comme pas trop au courant. Là. Il savait pas les keepers. Il savait pas. Crawl était keepé de 1. Puis de 2, il était supposé sortir à peu près au 2e tour. Lui, il arrive au 7. Puis il pense qu'il a fait un coup de génie en prenant Crawl. Chris, ça se peut pas. Là. Mais je sais pas que c'est impossible. Mais il s'est pas préparé dans aucun de ses fantasy. C'est drôle. C'est vraiment très drôle. Avec 8 running back. Puis tu sais, t'en as même pas que genre t'es content tant que ça d'avoir. Mais là, tu sais, ils s'en sont pas si pires. Là. Je veux dire, si Julio puis Lamar, c'est comme. Mais tu sais, il savait pas c'était où l'adresse. Il savait pas qu'il y avait la ville. Il était avec ses petits sous-cheese. Esti, puis là, on était comme, voyons, Laurent, c'est pas ça. Mais moi, je pense que c'est ça. C'est le prix hypothécaire. Là. Il est pogné à 2,45. Ouais, c'est depuis sa nouvelle consommation de cigarios. Là. Il prend ça? Je sais pas. Je l'ai vu avec ça au draft. Là, c'est fait que, non, c'est ça. En tout cas, à voir. Fait que, en général, vous êtes content de votre... Ben moi, on va se dire, j'ai un solide draft. Là. Ouais, tu dis ça à chaque année. Non, mais là... Tu dis ça à chaque année. T'as un bon draft. C'est un bon draft, mais... Regarde. On va voir la semaine prochaine. Jeudi soir, on faudrait peut-être s'organiser quelque chose pour avoir le premier match. Pats, Casey. Station des sports. À 18h30. On prend la station à Long Beach. Ouais, moi, je serais down. Moi aussi. Prêt, fait que, on va faire ça. Mais laissez-nous en commentaire Facebook si vous êtes down. on va vous lire super. Donc voilà, puis là, ben notre la semaine prochaine, invité surprise, Félix. Invité surprise, ben on va regarder là, qui est intéressé. Faut dire que les podcasts, on va les tourner soit le mardi soir ou le mercredi soir. Ouais. Ça va être un des deux parce qu'après, ben la semaine recommence. Puis faut arriver préparé, comme Mo est arrivé super préparé. Non, j'ai adoré ça, ouais, c'est chef, c'est structuré. Quand t'es Eric Ebron, c'est le fun aussi. Là, je regarde ça d'ailleurs, juste avant de finir, là, peut-être me ramasser JP avec le chasseur finalement. À suivre! Ah, parce que JP, parenthèse, j'ai enregistré la partie, peut-être la deuxième partie du draft, round 8 à 15. J'essaie de le mettre sur Facebook, mais je sais pas comment. Là. Faudrait que je demande à mon bon butler, le technicien. Mais vers la fin, JP, je sais pas si tu te rappelles, mais tu dis à Mo, prends le chasseur. Là, Mo, il est comme, non, va chier, je prends pas le chasseur. Will va me niaiser pendant toute la vie. Fait que là, JP est comme, ok, c'est bon, j'ai une idée. Prends le chasseur. La bonne bine. Alors, sur ces belles paroles, merci Mo de ton passage au podcast. Bonne saison, boys. Bonne saison à tout le monde. Puis on se reparle la semaine prochaine, mardi, mercredi, avec un invité surprise. En espérant que vous avez aimé ça. Et puis, bonne semaine à tous. Voilà, podcast TMT Nick, épisode 2, c'est terminé. It's a wrap.